Escargot de Bourgogne, montre-moi tes cornes. Si tu ne les montres pas, je ne te prendrai pas. Escargot de Bourgogne, montre-moi tes cornes. Si tu ne les montres pas, je ne te prendrai pas.